Avant Einstein, tout était simple. Il y avait l'espace en trois dimensions d'un côté, puis le temps de l'autre. Mais à partir de la relativité et de la théorie de la relativité, les choses commencent à se compliquer. Le temps serait une dimension de l'espace, tout aussi sensible aux déformations gravitationnelles. C'est donc la naissance de l'espace-temps. Mais tout ne s'arrête pas là. Dans la volonté d'unifier relativité générale et mécanique quantique, les physiciens théoriciens ajoutent des dimensions jusqu'à 26, où postulent que l'espace-temps est en fait discret, discontinu et composé de petits grains. Mais alors finalement, c'est quoi au juste l'espace-temps ? Espace-temps, vous êtes ici, c'est le programme très localisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Comprendre à la nature de l'espace-temps et à la façon dont a progressé notre compréhension jusqu'à aujourd'hui et peut-être jusqu'à demain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriel Charbin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, président du comité des très grandes infrastructures de recherche du CNRS, auteur de L'insoutenable gravité de l'univers aux éditions du Pommier. Marc Hainaut, bonjour. Bonjour. Et vous êtes physicien théoricien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Champs, cordes et gravité et directeur des instituts de physique et chimie Solvay. J'ai le plaisir de retrouver pour co-animer cette émission ma camarade Hazar Kaladbari. Bonjour Hazar. Bonjour. Puisque c'est notre émission mensuelle commune avec notre partenaire Chérie Science et Avenir qui se consacre sa une bien à l'univers violent, à ses rayonnements, ses trous noirs, ses météorites. On y reviendra. Mais avant de plonger dans les affres de la structure de tout ce qui fut, est et sera, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour, ici et maintenant. C'est avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, un nouvel outil d'édition génétique présenté hier dans la revue Nature. Ouais, ça n'a pas encore de traduction française, mais ça s'appelle le Prime Editing. Une équipe américaine a imaginé cette technique qui serait plus performante et surtout plus précise que celle des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. C'est encore en phase expérimentale, mais selon les premiers résultats, les modifications génétiques de cellules humaines in vitro ont eu des taux de réussite plus élevés que n'importe quel autre outil d'édition génomique. Pour bien comprendre, un CRISPR-Cas9 fonctionne avec l'utilisation de Cas9, une nucléase guidée par un petit ARN et qui agit comme un ciseau en coupant l'ADN à un endroit précis afin de modifier une séquence. Mais la limite de CRISPR-Cas9, c'est que cette cassure ADN peut générer des effets indésirables hors cible et introduire des mutations non désirées dans le génome. Pour éviter cette cassure, les chercheurs ont combiné l'enzyme Cas9 à une autre protéine. David Bicard est biologiste et responsable du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Il trouve cette étude ingénieuse. Tout l'intérêt de ce que cette technologie de prime editing apporte, c'est de pouvoir faire des modifications sans introduire de cassure. C'est une autre stratégie qui est vraiment assez intelligente, où on va en fait associer à Cas9, donc cet ARN guide qui va le permettre de programmer Cas9 pour aller s'attacher là où on veut. Mais l'ARN guide est modifié pour aussi porter la mutation qu'on souhaite introduire. Et cette mutation peut être introduite grâce à l'action d'une protéine associée à Cas9, qu'on appelle une reverse transcriptase, et ça va faire passer l'ARN de nouveau, ça va le copier en ADN, et de sorte qu'un petit fragment d'ADN ainsi créé va pouvoir s'intégrer dans le génome là où Cas9 s'est attaché. Là, en fait, vraiment l'idée qui est vraiment intelligente, c'est de mettre cette molécule qui va encoder pour la mutation qu'on veut introduire directement dans l'ARN guide et associer ça à cette reverse transcriptase qui va retranscrire l'ARN en ADN pour que cette mutation soit intégrée dans le génome. Et on passe au bref du jour. Les pesticides sont interdits dans les forêts publiques françaises. Zéro phyto en forêt publique, c'est ce qu'a déclaré vendredi l'ONF, l'Office National des Forêts. L'ONF a donc abandonné toute utilisation des traitements phytopharmaceutiques. L'organisme avait déjà interdit l'usage du glyphosate en 2018. Néanmoins, cette mesure ne concerne pas les forêts privées, qui représentent les deux tiers des superficies françaises. Au cours de ces 20 dernières années, l'antibiorésistance a doublé. Des résultats préliminaires viennent d'être présentés lors de la semaine européenne de la gastro-entérologie à Barcelone. Pour les infections gastriques courantes, l'antibiorésistance où l'antibiorésistance a plus que doublé. Selon une enquête portant sur 1200 personnes de 18 pays, la résistance à la clarithromycine, un antibactérien fréquemment utilisé, est passée de 10% en 98 à 21% l'an dernier. Des chiffres qui confirment que la résistance aux antibiotiques est une menace sanitaire. Elle cause chaque année plus de 56 000 morts. Et selon l'American Physical Society, les chercheurs ont recréé une étoile en laboratoire grâce au laser du NIF. Le National Ignition Facility, basé en Californie, est avec ses 192 lasers de haute puissance, le laser le plus performant au monde. Une équipe américaine l'utilise actuellement pour étudier et pour reproduire la nucléosynthèse, c'est-à-dire les conditions de formation des étoiles. En se formant, les étoiles fusionnent des atomes plus légers et créent des noyaux atomiques plus lourds. L'expérience en cours étudie la nucléosynthèse du Soleil et la réaction entre deux ions d'hélium. Les lasers ont été amplifiés pour viser une minuscule capsule de gaz ou de glace afin de la faire imploser. Les détails sont à paraître et d'autres expériences de fusion atomique sont prévues pour février 2020. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences et des liens, comme chaque jour, vers toutes les études qui viennent d'être évoquées, ainsi que celles que dont nous allons parler tout au long de cette heure. Eh bien, c'est à suivre et à retrouver sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc, un fil que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission si vous n'êtes pas abonné à Twitter, en vous connectant à franceculture.fr. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, il y a un peu plus d'un siècle, Albert Einstein bouleversait donc en profondeur notre compréhension de la structure de l'univers en proposant ces deux théories de la relativité, restreinte d'abord puis générale. Alors que change vraiment cet apport d'Einstein par rapport à la façon dont la physique, notamment newtonienne, décrivait auparavant cet espace et ce temps? Eh bien la réponse dans notre archive du jour, dans cet hommage à Albert Einstein qui était diffusé en 1955 sur la radiodiffusion française. Écoutez. Je crois qu'il faut insister aussi. C'est André Georges qui parle. Sur l'influence de la matière, n'est-ce pas, par rapport à l'espace-temps, oui, tout cela. L'espace-temps n'est plus un cadre a priori, en effet. Autrefois, c'était le cadre absolu. Oui, oui. Autrefois, c'est cela. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une boutade profonde, comme toutes les boutades d'Einstein, qui fera tout de suite comprendre là, ce qu'il faut entendre par cela. À son premier débarcadère en Amérique en 1923, je crois, il était assailli, bien entendu, par les intervieweurs, et on lui demandait, mais monsieur le professeur, dites-nous d'un mot la différence qu'il y a entre votre nouvelle théorie et ce qu'il y avait avant. Alors Einstein a souri, paraît-il, a répondu, eh bien à condition de ne pas prendre ce que je vais vous dire tout à fait au pied de la lettre, on peut dire qu'avant moi, avant la relativité générale, eh bien si la matière avait disparu, si tout ce qui est dans l'univers comme matière avait disparu, il serait resté quand même l'espace et le temps. Eh bien depuis la relativité générale, si la matière disparaît, l'espace-temps disparaît aussi. En somme, c'est maintenant une symbiose, un mariage très intime entre le temps, l'espace et la matière auquel nous invite la théorie de la relativité. Voilà, extrait d'un hommage à Albert Einstein en 1955 sur la radiodiffusion française. Rien de tel qu'une petite blague de physicien pour commencer une émission. Gabriel Chardin, une réaction. Effectivement, Einstein a mis en forme un certain nombre d'idées qui traînaient depuis un moment. Ça a commencé dès le 19e siècle avec l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, donc, qui unit électricité et magnétisme, introduit une mystérieuse constante C qui est une vitesse et qui apparaît dans les équations comme une espèce de constante universelle. Enfin, on ne le sait pas encore. Lorentz trouve les équations d'invariance, c'est-à-dire qui laissent la forme des équations de Maxwell. Et dès ce moment-là, il y a quelque part la matière de la relativité d'Einstein qui se trouve là. Mais c'est Einstein qui arrive avec la vraie première révolution de la relativité restreinte, il faut vraiment renoncer au temps absolu et à l'espace absolu, mais surtout au temps absolu qui est très très frappant de Newton. Alors on va revenir sur le cheminement qui conduit à cette pensée, à cette conception. Peut-être une réaction, Marc Henault, est-ce que à cette blague attribuée à Einstein, est-ce que vraiment on peut comprendre ça comme ça, avant la relativité générale, on enlève toute la matière, il reste quelque chose, quand on enlève la matière après la relativité générale, il ne reste plus d'espace-temps? Oui, je pense que c'est un résumé très court, mais c'est un bon résumé de l'apport d'Einstein. Effectivement, avant Einstein, le temps était absolu, l'espace était absolu. On pensait à l'espace et au temps de manière indépendante. Alors que ça veut dire temps absolu, mais ça veut dire que le temps avançait de manière indépendante des processus physiques. Et une seconde pour un observateur, c'était une seconde pour tous les observateurs, c'était absolu. Pareil pour l'espace. Et l'apport d'Einstein a été, si je puis dire, de montrer que le temps n'était pas absolu. Les horloges ne battent pas le même rythme selon l'état du mouvement. Et il faut penser aussi de manière comme une seule entité, l'espace et le temps. Donc, oui. Et alors, ils ont aussi fait allusion à la relativité générale, qui montre que l'espace-temps est élastique et donc déformé par la matière. Et donc, il y a aussi la matière qui joue un rôle important de ce point de vue-là. Hazard, Hélène Barry. Oui, alors, si on fait l'analogie, en fait, avec notre échelle, si on regarde un peu, on imagine une pièce avec des objets qui sont à l'intérieur. Eh bien, si on déplace les objets ou alors si on rajoute quelque chose, la forme de la pièce ne change pas. Et c'est vrai que c'est incroyable de se dire, eh bien, en fonction de ce contenu, la forme de l'espace va changer. Et ça, c'est quelque chose qui est en soi tellement étonnant. Et finalement, dans sa première blague, il a très bien rappelé cet aspect-là. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de l'espace-temps et l'histoire de cette émission, c'est plutôt de comprendre comment on est arrivé à l'espace-temps newtonien et puis ce qui a été produit après, comment est-ce qu'ils les physiciens théoriciens ont élaboré à partir de cet espace-temps newtonien. Mais on peut dire aujourd'hui, Marc Haineau, que l'espace-temps tel qu'il a été défini par Einstein reste le cadre aujourd'hui dans lequel travaillent les physiciens théoriciens, c'est-à-dire que depuis 1915 ça n'a pas tellement bougé, il y a des hypothèses, mais votre cadre de travail reste cet espace-temps relativiste. Oui, donc ça c'est effectivement juste, mais on est convaincu d'autre part aussi que la révolution n'est pas terminée et qu'il faudra aller plus loin parce qu'on a des problèmes quand on essaye de mettre ensemble théorie de la gravitation d'Einstein, relativité générale et mécanique quantique. Mais la théorie de la relativité générale reste ce qu'il y a de mieux et on n'a pas encore réussi à trouver une synthèse cohérente et satisfaisante avec la mécanique quantique. Jusqu'à preuve du contraire, selon une expression qui nous est chère ici. Alors peut-être qu'on peut remonter, Gabriel Chardin, un peu le fil de l'histoire. Quels sont les premiers jalons, puisque vous dites que finalement Einstein fait une synthèse, hein, c'est ce que l'histoire des sciences convient aujourd'hui, mais quels sont les premiers jalons qui conduisent justement à la compréhension de l'espace-temps comme d'un système à quatre dimensions? Jusqu'où est-ce qu'il faut remonter? Est-ce qu'il faut remonter à Galilée, à Newton? Peut-être alors, Newton. Newton, déjà, c'est le premier à mathématiser, disons, hein, à arriver à des équations, le calcul différentiel. Donc, pour lui, comme on l'a dit tout à l'heure, trois dimensions d'espace et une dimension de temps séparées, les deux absolus, indépendants de la matière, indépendants de... Et l'électromagnétisme fait apparaître C. Et Einstein, c'est donc la vitesse de la lumière. Hein. C'est la vitesse de la lumière, tout à fait. 300 000 km par seconde environ, la distance Terre-Lune à peu de choses près. Et donc, une seconde dans le temps, c'est déjà très loin. Hein. Mmh. On est ici à quelques nanosecondes, quoi, les uns des autres dans l'espace-temps. Sauf que chez Maxwell, donc dans les équations de Maxwell, sur l'unification de l'électromagnétisme, on ne sait pas encore très bien ce que c'est que ce C. C'est un peu étrange. Tout à fait. Ce que les gens remarquent quand même rapidement, c'est que ça a la même grandeur que la vitesse de la lumière qui commence à être mesurée relativement précisément. On sait qu'elle est très proche de 300 000 km par seconde. Après, l'étape d'après, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les équations de Lorentz qui mélangent... Alors c'est quoi les équations de Lorentz? Les équations de Lorentz, c'est les équations qui laissent la même forme quand on se déplace, un observateur passe d'un référentiel à un autre, un voyageur par rapport à quelqu'un qui reste immobile, on s'attend à avoir les mêmes les mêmes lois de la nature, hein, la même forme de l'électromagnétisme, qu'on soit immobile ou qu'on soit dans une voiture qui est en mouvement. Et donc ça, les équations les transformations d'espace-temps qui laissent invariante la forme des équations de Maxwell mélangent l'espace et le temps. Et après, donc, il faut cette révolution. Tout est en place pour la relativité, mais il faut faire le pas, et c'est Einstein qui le fait avec Poincaré, pas loin, mais n'ose pas, et puis Einstein déboule avec cette révolution, le temps n'est pas absolu. Marc Hainaut, comment est-ce qu'on peut comprendre bien, sans rentrer forcément dans les équations, mais comprendre bien comment ces briques-là, pourquoi est-ce que c'est si important, cette constante C, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, justement, elle vient un peu bouleverser, c'est-à-dire qu'on tombe en permanence sur cette constante, sur ce référentiel qui est systématiquement le même. Donc cette constante C est importante parce qu'elle apparaît effectivement dans les équations de Maxwell qui décrivent l'électromagnétisme, donc l'électricité et le magnétisme. Et le paradoxe, disons, avant Einstein, c'est que c'est une vitesse, et on est habitué à la loi de ce qu'on appelle la loi d'addition des vitesses. C'est-à-dire, si je me déplace à 1 km par seconde, si vous déplacez à 1 km par seconde, il ne restera plus grand-chose de vous, si je peux me permettre. Donc à 1 mètre par seconde, et quelqu'un se déplace par rapport à moi à 2 mètres par seconde, l'addition des vitesses dira que ce sera 3 mètres par seconde au total. Ou pour être plus précis, si je me déplace sur un tapis roulant à une certaine vitesse, une personne immobile verra que ma vitesse est la somme de la vitesse du tapis roulant plus la vitesse de ma marche. Et cette loi d'addition des vitesses est en contradiction avec le fait que la vitesse de la lumière doit être invariante et doit être la même pour tous les observateurs, en mouvement les uns par rapport aux autres. Azar Kadabari. Alors, cette loi d'addition des vitesses qu'avait présentée en son temps Galilée, on l'explique souvent par l'exemple de quelqu'un qui court dans un train en déplacement, et puis l'observateur qui est sur le quai regarde. Et cette expérience, en fait, ne fonctionne pas lorsque la personne a une lampe torche à la main, et donc c'est la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qui restera toujours pendant jusqu'aujourd'hui, bien sûr, dans la physique. Et est-ce que c'est une démonstration ou est-ce que c'est quelque chose qui a été formulé comme hypothèse et finalement indépassable? Marc Hainaut. Oui, c'est-à-dire qu'on a cherché à détecter, quand on parle de vitesse, c'est vitesse par rapport à quoi? Et donc on a essayé de détecter un référentiel par rapport auquel la vitesse serait la vitesse de la lumière, l'éther dont on a parlé, et toutes les expériences ont montré qu'il n'y avait pas de référentiel privilégié. Cette vitesse de la lumière était toujours la vitesse de la lumière, quel que soit l'état du mouvement de l'observateur. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement bien établi. Et pour en revenir à Einstein, l'apport d'Einstein, ça a été de comprendre que il fallait revoir nos conceptions du temps et de l'espace pour avoir une conception de l'espace-temps compatible avec cette invariance de la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement quand la personne qui court à l'intérieur du train a une lampe torche? Ben c'est que la personne qui regarde le train passer ne voit pas que la vitesse de la lumière émise par la lampe torche, c'est la vitesse de la lumière dans le train plus la vitesse du train. Ça reste la vitesse de la lumière. Peut-être un mot tout de même sur cette avant d'arriver à Maxwell, ou peut-être avant sur cette mécanique newtonienne, donc cette mécanique newtonienne qui est les référentiels de temps, on l'a dit, hein, Gabriel Chardin, sont absolus, le temps et la distance sont des référentiels absolus. C'est une mécanique qui va quand même fonctionner très très bien en cosmologie, qui va permettre de prévoir un certain nombre de choses, qui va permettre d'aider tout de même, c'est le premier pas sinon vers la physique contemporaine en quelque sorte. Oui, effectivement, ça va faire croire aux physiciens que c'est une bonne approximation, hein, la physique newtonienne, que quelque part on a trouvé, il suffit maintenant de faire des calculs avec plus de précision. Et il y a une petite énigme irritante qui est ce qu'on appelle l'avance de Perihelie de Mercure. De Mercure. Si vous pouvez le résumer. L'endroit où Mercure se rapproche au plus près du Soleil dans son orbite qui est une ellipse, se déplace petit à petit Alors, il y avait tout un tas d'effets qui étaient prévus, mais il y avait une petite différence, et Einstein va expliquer cette différence. Avec la relativité. Avec une modification complète de la conception, c'est-à-dire que cette déflexion peut s'exprimer par le fait qu'on va tout droit dans un espace-temps courbe. C'est vraiment une transformation complète de la chute de la Terre perpétuelle autour du Soleil, qui est c'est une représentation newtonienne. Et ben non, la Terre ne chute pas du tout, elle va au plus long dans l'espace-temps, ce qui est un peu bizarre de dire au plus long, mais comme c'est pas une distance au sens habituel, c'est quand même ça qui est elle va tout droit dans l'espace-temps. Et c'est une très très forte modification. Mais là, on touche déjà à la gravitation dès qu'on dit ça. Mmh. Alors justement, parce qu'on va essayer peut-être en un mot, Marc Hadot, de comprendre quelle est la synthèse exactement que fait Einstein. C'est-à-dire comment est-ce que, pour le dire peut-être de façon un peu trop simple, Einstein va comprendre que le temps et l'espace, en fait, sont un système qui fonctionne absolument ensemble. Donc, pour en revenir aux observateurs en mouvement les uns par rapport aux autres, donc on peut voir, on a parlé de la transformation de Lorentz, que le temps et l'espace mesurés par un observateur, c'est en fait un mélange du temps et de l'espace mesurés par les autres observateurs. Et donc, temps et espace se transforment entre eux quand on passe d'un observateur à un observateur en mouvement par rapport à lui. Et donc, on ne peut pas les penser indépendamment. Et d'ailleurs, il y a des effets comme la dilatation du temps qui sont liés précisément à l'état du mouvement et qui sont des effets importants qui ont été mesurés. De même, un mètre pour un observateur en mouvement ne sera pas un mètre pour un observateur qui le regarde. Donc comme je l'ai dit, les choses mélangent réellement le temps et l'espace entre eux. Les transformations de Lorentz dont on a parlé mélangent l'espace et le temps, et on ne peut pas donc concevoir le temps séparément et l'espace séparément, puisque c'est mélangé dans ces fameuses lois de transformation. On peut résumer ça en disant que c'est la fin de la simultanéité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus chez Newton, tout peu de choses qui se passent en même temps sont absolument simultanées. À partir d'Einstein, eh bien, ça n'est simultané que pour l'observateur. C'est ça, ça dépendra de l'état du mouvement, effectivement. La simultanéité est également relative. Et deux événements simultanés pour un observateur ne seront pas nécessairement simultanés pour un autre. C'est-à-dire à partir du moment où la vitesse de la lumière est finie, on ne peut pas concevoir de simultanéité puisque nos messages se propagent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si pour donner un exemple, là nous sommes dans le studio, ce que je viens de voir d'hasard ne correspond pas à ce que vous voyez vous, puisque la vitesse de la lumière, nous ne la percevons pas de la même façon. Mais nous sommes au repos les uns par rapport aux autres. Ah oui, c'est vrai que nous sommes au repos. On passe très vite en courant. Gabriel Chardin, si quelqu'un passe très vite en courant, qu'est-ce qu'il perçoit ? Alors il va avoir, comme on a dit tout à l'heure, une interprétation différente, mais très très peu différente à nos échelles. Il faut vraiment aller très vite. Il y a un bon film que moi j'aime bien, qui est Interstellar, qui décrit le conseiller scientifique avec l'équipe CERN, qui entre-temps est devenu prix Nobel. Nobel, oui. La découverte des ondes gravitationnelles. Et on voit tous ces effets de décalage d'horloge, suivant qu'on est plus ou moins proche des corps massifs, et qui permet de se visualiser un petit peu les effets relativistes en relativité générale. Azar Kalbari ? Donc, en fait, pour revenir à l'anomalie de l'orbite de Mercure, c'est la masse du Soleil qui provoque cette courbure, et Mercure étant la planète la plus proche du Soleil est affectée plus que les autres. Plus que les autres. Ouais. Et c'est un petit peu le grain de sable finalement qui va ouvrir sur la nécessité d'avoir une autre théorie, de faire appel à une autre théorie, du moins même à l'échelle du système solaire. Ouais, c'est une performance énorme parce que c'est une toute petite perturbation. Elle est repérée par Le Verrier, je crois, hein, qui faisait des calculs et qui avait justement découvert une vraie planète. Et donc, du coup, il cherche Neptune grâce à la mécanique newtonienne. Ouais. Donc, il veut refaire la même chose, mais là, avec Mercure, ça marche pas parce que Mercure est très proche du Soleil. Donc, si on voulait cacher une planète là, on devrait la voir. Elle devrait être hyper éclairée. Donc, il faut quelque chose d'autre. Et c'est lui qui pointe donc qui va inciter les gens à regarder en disant mais ça résiste, c'est un tout petit effet, quelques secondes d'arc par quelques dizaines de secondes d'arc par siècle. Par siècle. Mais c'est lors de l'éclipse vue par Eddington, est-ce que l'éclipse de Eddington a réellement prouvé finalement le... Alors ça, c'est un autre test. Qu'est-ce que c'est que l'éclipse de Eddington déjà? Alors donc là, on regarde un autre effet prédit par Einstein, c'est la déflexion des rayons lumineux ou plus généralement de toute forme de rayonnement électromagnétique. Et par les objets supermassifs hein. Enfin, par objets les massifs. Objets massifs enfin, en général, donc l'objet le plus massif qui a à peu près un tiers de million de fois plus que la masse de la Terre dans notre voisinage, c'est le Soleil. C'est difficile d'observer les étoiles quand elles passent au voisinage du Soleil, donc il y a eu de multiples essais et il faut dire que les expériences d'Eddington n'étaient pas... D'ailleurs, les expériences suivantes sont restées pendant plusieurs dizaines d'années non conclusives, réellement. Hein. C'est... Par contre, les expériences avec les ondes radio dans les années 60-70 sont devenues de plus en plus précises et ont vraiment fait des tests beaucoup plus précis de la relativité générale, là, maintenant, nettement au-delà du millième. Alors que Eddington, c'était... Je crois qu'on n'accepterait pas aujourd'hui le résultat d'Eddington comme résultat de preuve de découverte. Pourtant, il a annoncé, pardon, oui, Nicolas, pourtant il a annoncé à la presse ouais. Et du coup, ça fait date. Mais qu'est-ce qu'il annonce exactement, Eddington, Hazard? En fait, Eddington a donc fait des plaques photos, donc à l'époque, de ces étoiles qui, dont la position était différente lors de l'éclipse. Donc, avec leur lumière passant au voisinage du soleil. Et il a eu la présence d'esprit tout de suite d'annoncer ouais, ce, ouais. C'est ce qu'on appelle, pour les auditeurs, c'est ce qu'on appelle un effet de lentille gravitationnelle. Peut-être que vous pouvez l'expliquer, Marc Hainaut. Il y a une déviation des rayons lumineux par un corps massif parce que la géométrie de l'espace-temps au voisinage de ce corps massif est déformée. Mais peut-être je voudrais revenir sur on a parlé de la relativité restreinte, la première révolution d'Einstein, disons, qui a montré que temps et espace devaient être conçus ensemble, comme formant l'espace-temps, qu'il n'y avait pas de temps absolu, qu'il n'y avait pas d'espace absolu. Mais toujours, après la relativité restreinte, l'espace-temps est un cadre fixe. L'espace, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, du nom du mathématicien qui a formalisé les choses. C'est toujours un cadre fixe et extérieur en un sens à la physique. Et la deuxième révolution d'Einstein, la relativité générale, le développement de la théorie de la gravitation, 1915. Ça a été réellement de dire non, l'espace-temps est lui aussi un espace physique et l'espace-temps est courbé par toutes les formes d'énergie qui sont présentes. Donc la matière déforme l'espace-temps, c'est une sorte de caoutchouc, ça a une élasticité c'est plutôt. Et inversement, la matière dans un espace-temps déformé ne va pas se propager, se mouvoir comme si l'espace-temps n'était pas déformé. Donc cette vision apportée par Einstein, ça n'est plus en termes de force comme dans le cadre newtonien, mais c'est en termes de déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et donc cette géométrie de l'espace-temps est déformée par la matière et en retour, la déformation de la géométrie a un impact sur le mouvement des objets et en particulier sur le mouvement de la lumière. Et donc la lumière, quand elle passe au voisinage du Soleil ou quand elle est sur une trajectoire qui est loin du Soleil, va avoir une trajectoire plus ou moins courbée. Et c'est cela qui a été mis en évidence par l'expérience d'Eddington lors de l'éclipse de 1919. C'est ça, l'expérience de l'antigravitationnel, de l'antigravitationnel, c'est que la lumière est déformée justement au passage à proximité d'un corps massif. Et on peut avoir des images multiples et donc... On peut avoir même des mirages gravitationnels. On peut avoir beaucoup d'images, même on a ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein où les images multiples sont tellement multiples que ça forme un anneau. Donc effectivement, c'est un effet qui a été observé. Et je peux dire aussi qu'il faudrait peut-être dire aussi que la motivation d'Einstein, c'était peut-être pas tellement une motivation expérimentale d'essayer de concilier l'avance du péril de Mercure. Il y avait un problème conceptuel de fond entre les principes de relativité qui disent que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. ça vient de l'électromagnétisme, et la théorie de Newton qui prédit une interaction instantanée entre objets massifs, donc qui se propage à une vitesse infinie. Une vitesse infinie, c'est incompatible avec une vitesse finie, et donc Einstein, ce long cheminement entre 1905 et 1915, a été conduit par sa volonté était de réconcilier la gravitation et les principes de relativité qu'il avait énoncés en 1905. On pourrait dire en quelque sorte, Gabriel Chardin, que la théorie de la relativité générale, c'est le continuum espace-temps matière, en fait. Tout à fait. Mm. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'intrusion d'un aller-retour entre matière et espace-temps. Wheeler avait une très belle expression pour ça, en disant que l'espace-temps guide la matière et la matière aussi déforme l'espace-temps. C'est vraiment un aller-retour. Ça devient un objet dynamique. Mmh. Hasard ? Alors du coup, un tel espace-temps laisse la place à des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, des singularités. Au moins dans la théorie classique, oui. Alors, par exemple, les trous noirs ne sont envisageables que dans le cadre de la relativité générale. Mmh. Et peut-être faut-il dire d'abord que, oui, que dans des situations normales de la vie de tous les jours, ces effets de déformation de l'espace-temps sont très faibles, effectivement. Et donc, par exemple, les lois de la déformation, qu'est-ce que ça veut dire la déformation de l'espace ? Mais ça voudrait dire que les règles de géométrie qu'on a apprises au lycée, la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés, ben ça n'est plus vrai en géométrie non euclidienne quand l'espace est déformé. Mais cette déformation à la surface de la Terre est absolument invisible. Imperceptible. C'est de l'ordre de 10-9, oui, très difficile à mesurer. Et pour le Soleil c'est de l'ordre de 10-5, donc c'est de nouveau très faible. Mais il existe effectivement des situations beaucoup plus intéressantes, en un sens pour un physicien, extrêmes, où la déformation de la géométrie est beaucoup plus importante. Alors, puisque j'ai parlé de déformation de la géométrie d'espace, il y a aussi une déformation du temps. Qu'est-ce que ça veut dire que le temps est déformé ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va entendre dans notre reportage dans quelques minutes. Ah ben voilà. Time and Space de Groove Armada sur France Culture à 16h35, puisque c'est ce dont il est question, de l'espace-temps, de sa nature, de sa structure et de notre compréhension de tout cela. Bien, nous en parlons avec Gabriel Chardin, qui est physicien président du comité des très grandes infrastructures de recherche du CNRS, avec Marc Henault, qui est physicien, professeur à l'Université Libre de Bruxelles et professeur du Collège de France, et tout cela en compagnie de ma camarade Azar Kaladbari de Science et Avenir, qui est notre partenaire en général et tout particulièrement pour cette émission. Alors, nous parlions tout à l'heure de différentes confirmations de la structure de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein. Il y a aussi, comme on l'évoquait à l'instant, des expériences qui viennent confirmer de façon très fine l'influence de la masse sur l'écoulement du temps. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à une expérience d'horloge moléculaire et de satellites qui permettent de confirmer donc les théories d'Einstein de façon extrêmement précise. Oui, tout a commencé avec le lancement en 2014 de deux satellites européens Galileo. Alors que leur orbite était censée être circulaire, une panne technique les a placés en orbite elliptique. Donc une trajectoire qui les faisait passer plus ou moins loin de la Terre. Les physiciens qui étaient en charge de ces horloges atomiques embarquées à bord des satellites ont décidé de transformer cet échec en une chance et ont cherché à tester le décalage gravitationnel prédit par Einstein. Ce décalage avait déjà été testé par des physiciens avec des horloges atomiques sur Terre, mais jamais avec la précision permise par la position des horloges atomiques sur ces orbites elliptiques. Peter Wolf est directeur de recherche CNRS au laboratoire Système de référence temps-espace à l'Observatoire de Paris. Il nous explique les raisons pour lesquelles la mesure de ce décalage a pu être aussi précise. Il nous dit aussi pourquoi les prochaines horloges atomiques, comme celle baptisée Pharao qui sera envoyée en 2021 à bord de l'ISS, pourrait encore préciser ces mesures et même, qui sait, apporter sa pierre à la réunification des deux physiques. Les deux satellites en question, Galileo 5 et 6, étaient envoyés par une fusée Soyouz avec un deuxième étage qui s'appelle Frégate, qui n'a pas fonctionné comme on l'attendait et qui n'a pas réussi à mettre ses satellites sur l'orbite initialement prévue, qui est la même orbite que tous les satellites Galileo à une altitude d'environ 20 000 km. Mais ils ont fini sur une trajectoire qui n'était pas la bonne, en orbite quand même, sur une orbite elliptique dont l'altitude variait d'à peu près, bon, dans l'orbite finale, à peu près 15% par rapport à l'orbite initialement prévue. Donc ça, c'était un raté. Les satellites sont fonctionnels, les horloges fonctionnent. Il y a plusieurs horloges sur chaque satellite. Les transmissions des signaux fonctionnent parfaitement. Les satellites sont opérationnels. Par contre, ils ne sont pas sur la bonne orbite. Alors, de cette mésaventure et de ce raté, vous avez fait finalement un avantage et vous êtes parvenu à mesurer d'une façon, avec une précision inégalée jusqu'alors, l'une des prédictions d'Einstein. Alors, quelle était cette mesure-là? En quoi elle a consisté? Et pourquoi vous avez atteint cette précision-là? La prédiction en question, c'est ce qu'on appelle l'effet Einstein en français, le redshift gravitationnel en anglais, qui consiste au fait que la gravitation va déformer l'espace-temps. D'après la relativité, la gravitation n'est rien d'autre qu'une courbure de l'espace-temps. Et une des manifestations qui n'existait pas dans la théorie newtonienne, c'est que une horloge, sa fréquence va être modifiée, n'importe quel type d'horloge, va être modifiée par la présence d'un champ gravitationnel. Du coup, si vous êtes à deux altitudes différentes sur la surface de la Terre et vous avez deux horloges, une en haut, une en bas, donc on met une en haut de la tour Eiffel, l'autre en bas, vous comparez leurs fréquences par un signal lumineux qui va du haut en bas ou du bas en haut ou les deux, peu importe, vous allez voir que les deux horloges ont des fréquences légèrement différentes. Il y a une qui va battre plus lentement que l'autre parce qu'elle est dans un champ gravitationnel différent. Et ça peut se vérifier avec les horloges atomiques actuellement sur la tour Eiffel ou sur un bâtiment. Bon, c'est des fractions très petites. Typiquement, si vous avez une différence d'altitude de 100 mètres, en 100 ans, vous cumulez une différence de temps d'à peu près 100 millisecondes. Donc, c'est pas énorme, mais c'est mesurable actuellement. Mmh. Et donc, avec les deux satellites en question, ou avec n'importe quel satellite, on peut vérifier que si l'horloge est là-haut, elle n'est pas à la même fréquence que l'horloge en bas. Et nous, on a donc utilisé les deux horloges à bord sur les satellites elliptiques pour voir la variation de cet effet dans le temps, parce que des fois ils sont plus hauts, des fois ils sont plus bas. Donc leur fréquence doit avoir une signature sinusoïde en fonction de l'orbite du satellite. Une horloge, elle a deux caractéristiques principales. Une, ce qu'on appelle l'exactitude, c'est-à-dire avec quelle exactitude elle va pouvoir reproduire sa fréquence nominale. La deuxième propriété, c'est la stabilité. Ça veut dire peut-être elle ne reproduit pas la bonne fréquence, une autre fréquence, mais par contre, on veut que la fréquence qu'elle génère soit stable dans le temps, reste la même longtemps. Tous les horloges qui sont sur les satellites actuellement sont de ce deuxième type. Ils ont une très bonne stabilité, ils n'ont pas une très bonne exactitude. Du coup, s'ils sont sur une orbite circulaire, donc à altitude constante, on peut juste mesurer l'écart entre l'horloge à bord et l'horloge au sol, mais on ne sait pas si c'est dû à l'horloge qui, elle, n'a pas la bonne fréquence, mais on ne sait pas de combien elle diffère de toute façon, donc ça ne nous apprend rien sur la gravitation. Par contre, si on les met sur une orbite elliptique, on cherche une variation, et vu que c'est une horloge stable, elle ne devrait pas varier. Donc si elle varie, on a mis en évidence une violation de la gravitation, de la théorie de Einstein, et c'est ça qu'on cherchait à mesurer avec les deux satellites elliptiques. Cette déformation de l'espace-temps liée à la gravitation, c'est quelque chose qui avait déjà été un peu mis en évidence d'un point de vue expérimental. Pourquoi c'était aussi important que ça d'arriver à ce degré de précision-là? Et pourquoi c'est important d'aller au-delà? On va en parler ensuite avec le projet de cette horloge atomique Pharao. Pourquoi c'est important? Parce qu'on pense que la relativité n'est pas le dernier mot de la physique en gravitation. On a plusieurs indications pour cela. D'une part, elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique et ça pose un problème presque intellectuel, mais on n'est quand même pas content d'avoir deux théories très différentes qui marchent bien chacun, mais qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Et on soupçonne que s'il y a une nouvelle théorie, ça va introduire des nouveaux champs qu'on ne connaît pas actuellement, qui vont faire que des horloges de type différent vont réagir différemment et que cette prédiction en particulier de la relativité ne va plus tenir. Deuxièmement, on sait que dans l'univers, il y a de la matière noire, de l'énergie noire. On n'a pas la moindre idée ce que c'est, à part que ça a manifestement un effet gravitationnel sur les objets dans la galaxie, sur l'univers global. De nouveau, ça veut dire que c'est probablement des nouveaux champs ou des nouvelles particules qu'on ne connaît pas. Et de nouveau, ça devrait, on soupçonne que ça va avoir un effet sur des horloges de type différent. Par contre, on ne sait pas à quel niveau ça va se passer. Donc on cherche de plus en plus précisément, autant qu'on peut faire, on fait des mesures de plus en plus précises, en espérant qu'un jour, elle nous montre quelque chose qui n'est pas compris à l'heure actuelle. Du jour, voilà ce reportage du jour consacré à ce test expérimental via le réseau Galileo de la relativité générale. Un mot peut-être de réaction à ce que vous venez d'entendre, Marc Hainaut. Oui, donc c'est une mesure du fait que le temps est déformé par la gravitation et qu'il n'avance pas de la même manière selon que la force de gravitation est... La gravité ralentit le temps et c'est ça qu'on mesure par ce genre d'expérience. Donc c'est une belle confirmation de la théorie d'Einstein, une de plus. De cette idée, alors je me trompe toujours, mais ça y est, cette fois-ci j'ai vérifié que ce sont bien notre tête qui vieillit plus vite que nos pieds. Le temps se passe plus lentement pour nos pieds et plus vite pour notre tête, c'est bien ça, Gabriel Chardin? En fait, il faudrait parler de temps relatif. Voilà. C'est pas de temps en absolu, parce que chacun, à un endroit donné, a toujours la même impression de d'écoulement de temps. Les lois de la physique, justement, sont les mêmes. Mais si on compare l'âge relatif des pieds et de la tête, comme on a dit tout à l'heure, ça fait quand même pas beaucoup, hein, ouais, pas beaucoup inférieur de différence, à la milliseconde sur 100 ans. Mais en principe, c'est mesurable et c'est tout à fait mesurable, comme on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre preuve expérimentale dont on a beaucoup parlé ici, de la structure même de cet espace-temps au hasard. Ce sont les ondes gravitationnelles, la mesure des ondes gravitationnelles qu'on a mesurées à plusieurs reprises. Et on sent la vibration donc de cette nature intrinsèque de l'espace-temps en quatre dimensions. Oui, c'est une aventure qui a commencé en 2015. je devrais dire qui a commencé avec Einstein. Il y a 30 ans. Oui, oui. Mais de manière observationnelle en 2015. Et donc la détection de la première onde gravitationnelle a été vraiment un événement qui a confirmé la relativité générale et la nature de l'espace-temps. Alors on est aujourd'hui à une cinquantaine d'exemplaires. Il y a quelques cas qui sont encore en cours de confirmation et d'analyse. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Redites-nous peut-être simplement pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement que ces ondes gravitationnelles qui font vibrer donc la nature même de cet espace-temps et comment elles sont créées ? Donc, si la masse accélère, on a l'émission d'une onde gravitationnelle et donc ce cas arrive lorsqu'on a par exemple deux trous noirs qui rentrent en collision, en fusion, donc qui se rapprochent lors de ce phénomène de fusion, il y a émission d'une onde gravitationnelle et donc cette onde voyage à la même vitesse que la vitesse de la lumière. Et pour la première fois, en 2015, ça a été détecté alors par les interféromètres qui ont des bras de plusieurs kilomètres et dont la longueur va varier, puisqu'en fait, cette onde va faire varier l'espace-temps. Donc c'est longueur de cet interféromètre qui va varier de 10^-18 à peu près. C'est-à-dire ce sont des tirs laser sur des miroirs. Tir laser. Ça va varier imperceptiblement. Entre deux miroirs. Et donc, depuis, eh bien, on a eu de nombreux événements de ce type. Marc Chesneau, important évidemment les ondes gravitationnelles, parce que c'est Einstein pensait qu'on pourrait un jour peut-être les voir. On a désespéré, il y a eu plusieurs tentatives, et puis jusqu'à effectivement... Je pense qu'Einstein ne croyait pas réellement, ouais. Pour différentes raisons, mais d'abord il était conscient que l'effet serait extrêmement faible sur Terre. Donc effectivement c'est une déformation de l'espace-temps qui est énorme au voisinage de la source. Cette collision de deux trous noirs, c'est un phénomène extrêmement violent. Ou de deux objets supermassifs, deux étoiles à neutrons, une étoile à neutrons, un trou noir, c'est une déformation énorme de la géométrie de l'espace-temps au voisinage de ces objets qui se propage jusqu'à nous. Mais ces objets étant loin, là évidemment l'effet sur Terre est extrêmement petit. Donc c'est des déformations de la géométrie de l'ordre de 10^-20, donc c'est au moins 21. Donc c'est extrêmement faible. Et donc au moment où Einstein a vu que les ondes gravitationnelles pouvaient exister, il s'est aussi rendu compte que l'effet serait extrêmement petit. Et il y avait aussi des raisons théoriques pour ne pas... C'était pas très clair la situation théorique, donc il n'y a peut-être pas cru, mais en tout cas, on les a détectés. Ce qu'on peut dire, c'est que si on avait une équerre et un rapporteur auprès d'une fusion d'une coalescence de deux trous noirs, et là, on n'aurait plus du tout les 180 degrés du triangle. Non, absolument pas. Ce serait beaucoup plus, tandis qu'ici, sur Terre, ça reste très proche de 180 degrés. Ouais, je m'excuse aussi auprès des auditeurs pour cette vilaine toux qui est malheureusement irrépressible, et vous êtes quelques-uns à vous en soucier, c'est très gentil, mais ça va passer, je me soigne, je vous le promets. Un mot pour parler un peu de cet après, de cet après théorique de la relativité générale et donc de cette conception de l'espace-temps comme un continuum de quatre dimensions, avec ce problème, on l'a pas mal évoqué ici, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais effectivement de cette incompatibilité entre ces deux modèles qui fonctionnent extrêmement bien pour le macroscopique et le microscopique, la relativité générale d'un côté, la mécanique quantique de l'autre, et bien pour essayer de d'arriver à cette théorie du tout, ou en tout cas à cette unification, à cette quantification de la gravité, Gabriel Chardin. Eh bien là, on commence à essayer de tordre un peu cette conception de l'espace-temps, de lui ajouter des dimensions, de voir jusqu'où sont les limites de la conception einsteinienne. Alors en fait, c'est à nouveau Einstein qui va commencer à avoir la bonne idée. Il essaye d'unifier avec Oscar Klein, je crois que c'est lui avec qui au départ, Kaluza et Klein... Donc de façon séparée, hein, essaie d'unifier la gravitation et l'électromagnétisme. Alors aujourd'hui, on sait que ça échoue parce qu'il manque des morceaux, hein, les interactions faibles et fortes en particulier, les autres interactions. Au niveau atomique. Mais il y a quand même une idée très forte qui en ressort, c'est-à-dire qu'on peut, par une dimension supplémentaire, et alors où se trouve-t-elle ? Donc il faut probablement la mettre de façon cachée. Une dimension d'espace. Une dimension d'espace supplémentaire. On peut arriver à avoir une description unifiée de la gravitation et de l'électromagnétisme. Donc cette idée-là est fondamentale et va être reprise, abandonnée parce que Einstein se casse la figure, il cherche une théorie unifiée jusqu'à la fin de sa vie, ne la trouve pas parce qu'il manque des éléments théoriques liés à ce que je dis, c'est-à-dire l'interaction électro-faible qu'il faudrait avoir déjà en tête et puis les interactions fortes qu'il ne connaît pas à l'époque. Mais disons, le formalisme, il le trouve déjà. Et après, donc, je pense que mon voisin... Marc-Henno, peut-être pour essayer d'aider les auditeurs à comprendre, pourquoi est-ce que ajouter une dimension, alors pas pour la gravitation et l'électromagnétisme, mais pourquoi est-ce que, pour essayer de quantifier la gravitation, des dimensions supplémentaires vont être utiles et qu'est-ce que ce serait que ces dimensions supplémentaires? Parce que les trois dimensions d'espace, on les voit bien, mais la quatrième, la cinquième, la sixième, elles seraient où? Alors, ce seraient des dimensions d'espace aussi, mais la raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est que ce sont des dimensions recroquevillées sur elles-mêmes et dont la taille serait extrêmement petite. Et pour s'en rendre compte, il faudrait des énergies énormes, plus grandes que les énergies disponibles au CERN, pour les mettre en évidence. Donc une image qui, comme toutes les images, vaut ce que les images valent. Imaginez un tuyau d'arrosoir. Alors c'est quelque chose, si vous regardez de près, vous voyez bien que ça a une certaine dimension. C'est, disons, il y a la section, ça occupe une certaine partie dans l'espace. Mais si vous regardez ça de très loin, ça vous apparaîtra comme une ligne. Vous ne verrez qu'une seule dimension. Donc il peut y avoir plusieurs dimensions, mais si elles sont, disons, dans des rapports d'échelle différentes, vous n'en verrez qu'un petit nombre. Il y avait une autre image que j'aimais bien sur le même principe, c'est celui du fil de fer barbelé. Le fil de fer barbelé, très loin, c'est une seule dimension, et en fait, on se rend compte que non seulement c'est deux, puis trois, parce qu'il y a ces petits barbelés enroulés autour qui seraient des petites dimensions, et c'est, je trouve, une belle façon de concevoir comment on peut imaginer des dimensions supplémentaires hasard. Oui, ou alors souvent on parle d'un tissu, de l'étoffe, et puis des petits fils qui pourraient en échapper et puis être croquevillés. Mais est-ce qu'un jour on pourrait espérer mettre en évidence ces dimensions supplémentaires ? Marc-Henno. Alors ça dépend des modèles, mais disons les modèles les plus satisfaisants d'un point de vue théorique, mathématique, c'est des modèles où ces dimensions sont extrêmement faibles. Et donc les mettre en évidence par des expériences en laboratoire, on pense qu'il faudrait un accélérateur, par exemple, de la taille de la galaxie, donc ce qui n'est pas possible, pour avoir les bonnes énergies. Dans l'état actuel des choses, en tout cas. Par contre, on sait que il y avait énormément d'énergie dans les tout premiers instants de l'univers, et donc en regardant l'univers jeune, très jeune, on peut espérer que là, les effets des dimensions supplémentaires ont été importants, et que de manière indirecte, il puisse y avoir des traces observationnelles. Alors c'est là une des raisons qui font que les physiciens travaillant sur ce domaine sont intéressés au premier moment de l'univers en espérant voir éventuellement des traces de cette théorie quantique de la gravitation qu'on n'a pas encore construite. Alors ça, les dimensions supplémentaires, c'est plutôt du côté de la théorie des cordes. Alors on avait consacré une émission complète à la théorie des cordes et à la gravitation quantique à boucle pour essayer d'expliquer un peu les différences. On vous a mis le lien d'ores et déjà sur le fil Twitter de l'émission. On n'a pas le temps de revenir sur les détails, mais on parle de 11, 26 dimensions, ça peut, il y a pas de limite en fait théorique au nombre de dimensions. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que dans certaines approches, la dimension, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se rend compte, et c'est ça qui rend le problème compliqué, c'est que la notion même de dimension n'est peut-être pas bien définie. Et que la notion même d'espace-temps peut-être doit être c'est un concept émergent et qui de manière fondamentale n'est pas bien défini. Alors ce que je vous dis ici, ce sont des mots. Le cadre mathématique qui rend compte de ça, nous cherchons à le construire. Mmh. Et donc, mais l'idée, c'est que d'où cela vient. Donc on sait qu'en mécanique quantique, il y a un principe important, le principe d'incertitude de Heisenberg. Et donc toute quantité dynamique, on peut pas la mesurer avec une précision infinie. Et donc puisque l'espace-temps est devenu une entité dynamique depuis Einstein, ça veut dire que l'espace-temps est soumis à un principe d'incertitude et donc on ne peut pas mesurer avec une précision infinie la géométrie de l'espace-temps. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça voudrait dire que la nature même de l'espace-temps serait quantique. C'est ce qu'on pense, puisque l'espace-temps est un objet physique et que toute variable dynamique en physique est soumise au principe quantique, l'espace-temps lui-même est quantique. Et donc on parle parfois de géométrie quantique, mais ce sont encore des travaux embryonnaires, des idées plus qu'une théorie bien établie. Alors l'autre grande hypothèse de quantification de la gravité, il y en a plusieurs, mais celles qui sont, disons, les plus populaires ou en tout cas les plus développées chez les physiciens théoriciens, c'est la gravitation quantique à boucle. Alors c'est une autre proposition, la gravitation quantique à boucle laisse entendre que l'espace serait discret et discontinu, c'est-à-dire qu'il y aurait en fait, en quelque sorte, Marcano, des granules d'espace quantique. On aurait des quantas d'espace. Des quantas d'espace, c'est ça. D'espace-temps. Je pense que dans la mesure où nous ne savons pas quelle est la formulation fondamentale définitive de la gravitation quantique, il est bon d'avoir plusieurs approches. Effectivement, il y a l'approche basée sur la théorie des cordes, l'approche basée sur la gravitation, la quantification en boucle. Il n'est d'ailleurs pas dit que ces approches ne peuvent pas se rejoindre, hein, puisque les théories n'existent pas encore. Et donc il y a des idées qui sont qu'effectivement l'espace-temps serait quantifié et donc il y aurait des distances minimales, des temps minimaux qu'on ne pourrait pas en deçà desquels on ne pourrait pas aller. Gabriel Chardin, un mot pour sur ces différentes conceptions et sur ce bond finalement intellectuel et conceptuel qu'il faut franchir pour réussir à unifier ces deux grandes théories et dépasser ce qui est dans le domaine de l'expérimental. Ben disons, le saut conceptuel final, c'est de renoncer à l'espace et au temps et de les dériver. Hein, c'est-à-dire que le temps et l'espace n'existent pas de façon comme des objets. Et ils sont probablement des objets qui sont un peu comme une image pixelisée. Ils ressortent et on les voit de façon continue. Mais en fait, le temps est à définir par des objets qui ont l'air d'être statistiques. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup des aspects que la gravitation a des aspect thermique, avec de la complexité et du rayonnement, qui est une idée extrêmement surprenante, qui est arrivée à partir du début des années 70. Et il y a déjà le rayonnement de Hawking autour des trous noirs. Le rayonnement de Hawking qui a déjà une forte indication que l'horizon du trou noir, il est quelque part pavable par des toutes petites surfaces. C'est ce qu'on appelle les surfaces de Planck. 10 puissance moins 70 mètres carrés, ça fait pas beaucoup. Hein. Et donc on le voit pas, mais il a l'air d'être là. Voilà, peut-être que la réponse à l'espace-temps est qu'il n'y a pas d'espace-temps, there is no spoon, dirait-on dans un autre film. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Gabriel Chardin, je rappelle qu'on peut vous lire dans L'insoutenable gravité de l'univers, aux éditions du Pommier. Merci à Marcano. Merci beaucoup Hasard, univers violent, ses rayonnements, ses trous noirs, ses météorites, c'est le dossier que vous avez coordonné, qui est en une du Science et Avenir de ce mois d'octobre. Merci à toute l'équipe de la de scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Céline Lozède, Antoine Beauchamp, Dominique de Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, comme un air de retour sur un lieu naguère aimé, nous retournerons faire un tour en Antarctique avec celles et ceux qui ont vécu, qui ont travaillé, parfois dans l'isolement le plus total. Grand coup de frais demain, et puis un petit peu de miel pour ma voix, ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.